الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous allons évoquer à présent un récit relaté dans le Coran et survenu à l'époque de Moussa alayhi salat wa salam. Chronologiquement parlant, il est difficile de situer ce récit. A-t-il eu lieu avant l'événement du veau d'or ou bien après? Quoi qu'il en soit, ce récit contient beaucoup de leçons, et nous allons essayer, inshallah tabaraka ta'ala, après l'avoir expliqué, de citer quelques-unes de ces leçons après avoir expliqué ce récit. À cet effet, قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثيل الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ce sont les versets 67 à 74 de la sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le sens des versets, et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, « Allah vous ordonne de sacrifier une vache. » Ils dirent, « Te moques-tu de nous ?» Il répondit, « Qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. » Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. » Il dit, « Allah dit que c'est une vache ni vieille, ni jeune, mais d'un âge moyen. Faites donc ce qu'on vous ordonne. » Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. » Il dit, « Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. » Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise quelle est cette vache, car pour nous, les vaches se ressemblent. Nous serons alors, si Allah le veut, bien guidés. » Il dit, « Allah dit que c'est une vache qui n'a pas servi à labourer la terre, ni à arroser le champ, exempte d'infirmité et sans tache. » Ils dirent, « Maintenant, tu nous apportes la vérité. » Ils sacrifièrent alors la vache, mais peu s'en fallut qu'ils ne le fassent. Et lorsque vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous dîmes, frappez le mort avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre ses signes afin que vous raisonniez. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nous dit, « De nombreux pieux prédécesseurs ont dit, qu'il y avait un homme très âgé et très riche parmi les enfants d'Israël. Il avait des neveux qui souhaitaient sa mort afin de pouvoir percevoir l'héritage. L'un d'eux se décida et le tua dans la nuit avant de jeter son corps à un croisement. On dit également qu'il posa le corps devant la porte d'un homme parmi eux. Au matin, les gens se disputèrent à son sujet. Et son neveu arriva en criant et jouant l'opprimé. Ils dirent, pourquoi vous disputez-vous au lieu d'aller voir le prophète d'Allah, à savoir Moussa alayhi salat wa salam? Le neveu vint et se plaignit au messager d'Allah, Moussa alayhi salat wa salam, qui chercha un témoin de ce qui s'était passé, mais ils n'en trouvèrent aucun. Ils lui demandèrent alors d'interroger son Seigneur sur cette question, ce qu'il fit. Et Allah lui commanda de leur ordonner d'égorger une vache. Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Ils dirent, te moques-tu de nous? Autrement dit, nous t'interrogeons sur ce meurtre et toi tu nous ordonnes cela? Il répondit, qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants. C'est-à-dire, je cherche protection auprès d'Allah contre le fait de dire autre chose que ce qui m'est révélé. Et c'est ce qu'il m'a répondu lorsque je lui ai transmis votre requête. Effectivement, il n'est pas le propre des prophètes et des gens sérieux de tourner des événements en dérision, qui est la caractéristique ou une des caractéristiques principales des gens dénués de raison et des ignorants. C'est pour ceci que Moussa a dit qu'Allah me préserve d'être du nombre des ignorants, comme pour montrer que les ignorants ont pour caractéristique principale le fait de prendre tout en dérision ou de prendre des événements importants en dérision. Ibn Abbas, ainsi que Ubayd al-Mujahid, Ikrimah as-Suddi et de nombreux autres prédécesseurs ont dit, s'ils avaient sacrifié n'importe quelle vache, cela leur aurait suffi. Mais ils ont cherché la difficulté et c'est pourquoi on leur a rendu les choses difficiles. On a rapporté à ce sujet un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dont la chaîne de transmission comporte une faiblesse. Il continue et il dit, ils ont interrogé sur la description de cette vache, puis sa couleur, puis son âge, et on leur répondit à chaque fois de la manière la plus difficile à trouver pour eux. Et nous avons rappelé tout cela dans le tafsir. J'ouvre ici une petite parenthèse, barakallahu fikoum. Comme le souligne l'imam Sa'd rahmallah tabarakallah dans son tafsir, on ne peut pas faire l'explication des versets du Coran par des récits israélites ou des gens du livre dont la chaîne de transmission n'a pas été validée. Car le Coran nous a été transmis de manière sûre et la sunna authentique nous a été transmise de manière sûre. Donc notre foi est basée sur des certitudes. Il est incohérent et inconcevable de pouvoir expliquer le Coran, qui est un texte sûr au point de vue de sa transmission, de sa validité, par des récits dont on n'a aucune certitude sur leur validité. Ils peuvent être même mensongers à l'égard de nos textes religieux. Voilà ce que dit l'imam Sa'd rahimallah tabarak wa ta'ala en substance. Donc il faut être précautionneux dans ce domaine et ne pas expliquer les versets du Coran, voire des paroles du prophète alayhi salatu wa salam par des récits des gens du livre dont on n'a pas l'authenticité vis-à-vis de leur chaîne de transmission. Je reprends la parole de l'imam Ibn Kathir rahimallah tabarak wa ta'ala. Il dit, l'essentiel ici est qu'on leur a ordonné de sacrifier une vache d'âge moyen, comme l'a rapporté un groupe de savants. Puis ils se sont rendus la chose difficile en interrogeant sur sa couleur. On leur ordonna donc de sacrifier une vache de couleur jaune, empreinte de rouge, plaisante à voir, et ceci est une couleur très rare. Puis ils corsèrent la chose encore dans cela et ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise, quelle est cette vache? Car pour nous, les vaches se ressemblent. Nous serons alors, si Allah le veut, bien guidés. S'ils s'étaient conformés au premier ordre, ils auraient trouvé la vache demandée du premier coup. Mais ils ont cherché la difficulté et Allah leur a rendu la tâche difficile, comme rapporté dans le hadith. S'ils n'avaient pas dit « Insha'Allah », ils n'auraient jamais trouvé cette vache, comme rapporté dans ce même hadith, rapporté par l'imam Al-Bayhaqi, temps à Sunan al-Kubra. Seulement, ce hadith est faible, car il remonte par une chaîne de transmission qui est bonne jusqu'à Ubaydat al-Salmani, puis il y a une interruption de la chaîne de transmission jusqu'au prophète, alayhi salat wa salam. Donc, le hadith est faible. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas servi à labourer la terre, c'est-à-dire qui n'est pas destinée à travailler, à être utilisée pour le travail, ni à labourer la terre, ni à arroser les champs, exempte de toute infirmité et sans tache. La shiyata fiha, c'est-à-dire de couleur unie. Ils dirent, maintenant tu nous apportes la vérité. Ils sacrifièrent alors la vache, mais peu s'en fallut qu'ils ne le fassent. Ces caractéristiques sont plus précises encore que les précédentes, puisqu'on leur a demandé de sacrifier une vache qui n'a pas servi à labourer ou à arroser la terre, et n'ayant aucun défaut, comme l'a dit l'imam Qatada. Il fallait en plus qu'elle n'ait aucune tache de couleur autre. Elle devait n'avoir aucun défaut et être de couleur totalement unie. Après avoir donné toutes ces caractéristiques, ils dirent maintenant tu nous apportes la vérité. Puis le prophète d'Allah Moussa, alayhi salat wa salam, leur ordonna de la sacrifier. Ils sacrifièrent alors la vache, mais peu s'en fallut qu'ils ne le fassent, car ils étaient encore hésitants. Puis on leur transmet l'ordre d'Allah de frapper la victime avec un bout de cette vache, avec un de ses membres. Et Allah lui rendit la vie. Ce mort se leva, les plaies toutes suintantes, et le prophète d'Allah, Moussa, alayhi salat wa salam, l'interrogea. Qui t'a tué? Il répondit, c'est mon neveu. Puis il retomba raide mort comme il était. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, à cet effet, ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre ses signes afin que vous raisonniez. Ainsi, de la même manière que vous avez assisté à la résurrection de ce mort sur l'ordre d'Allah, cela se produira pour tous les morts. Lorsqu'il voudra les ressusciter, il le fera pour tous au même moment. Et ceci est corroboré par ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala dans la sourate 31, le verset 28, Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Inna Allah sami'un basir. Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Quelles sont les leçons à tirer de ce récit? Premièrement, il y a dans ce récit le danger de compliquer la religion qu'Allah a rendue simple, de restreindre ce qu'Allah a rendu large, ou encore de polémiquer et contester de manière directe ou indirecte les ordres d'Allah ou ceux du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore de poser des questions sur des choses qui n'arriveront probablement jamais ou que très rarement, ou des choses qui ne sont pas encore arrivées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, ont péri ou se sont égarés ceux qui vous ont précédés par la multiplication de leurs questions qu'ils posèrent à leurs messagers et leur divergence d'avec leurs prophètes. Deuxième chose, quand Allah dit tabarak wa ta'ala, peu s'en fallut qu'il ne l'égorge. Peu s'en fallut qu'il ne l'égorge. C'est-à-dire, est-ce à cause de son prix excessif? Car ils trouvèrent finalement cette vache auprès d'une personne qui doubla son prix, voire quadrupla son prix. Ou à cause du fait qu'ils ne faillirent pas la trouver, ou bien pour le simple fait qu'ils ne voulaient pas la trouver, pour ne pas être divulgués. Voilà trois avis chez les savants, mais le dernier est l'avis de Abdullah ibn Abbas et de l'imam al-Dhahhak, rahimahumullah, wa radiyallahu tabarak wa ta'ala anhumah. Il se peut aussi que cela soit pour les trois raisons en même temps, mais à la base, ce fut à cause de leur refus. Aussi, parmi les favorites de ce récit, sachez qu'il y a dans cette sourate cinq récits où Allah mentionne qu'il a redonné la vie à des êtres vivants après leur mort. Le premier d'entre eux est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Allah tabaraka a redonné la vie à cet homme afin qu'il puisse dénoncer son meurtrier, son assassin. Le deuxième est celui que nous avions vu précédemment. Lorsque certains ont demandé à voir Allah explicitement, ils furent foudroyés et moururent. Puis Allah les fit revivre afin qu'ils soient reconnaissants. Le troisième est lorsqu'Allah ordonna la mort à ces milliers de gens, puis il leur redonna la vie. Le quatrième est le cas du prophète Uzair, qui, passant par une ville décimée, s'exclama: Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Comment Allah pourra-t-il redonner la vie à tout cela? Allah lui donna la mort plus de 100 ans, puis le fit revivre après cela. Le cinquième récit est celui d'Ibrahim lorsqu'il demanda un signe d'Allah tabaraka wa ta'ala sur le fait de ressusciter les morts. Allah lui ordonna d'égorger 4 oiseaux, puis il leur redonna la vie par la suite. Ces 5 récits se trouvent tous dans la sourate Al-Baqarah. Aussi, à la suite de leur première question, Moussa alayhi salatu wa salam leur répondit: faites donc ce qu'on vous ordonne. Comme pour répéter l'ordre précédemment cité et les blâmer de leur première interjection. Autre chose, Allah nous informe que leurs cœurs, après cet événement, se sont endurcis. Alors qu'ils ont assisté à ce prodige, ou même s'ils n'avaient pas assisté à ce prodige fut répertorié et hérité de génération en génération. Allah tabaraka wa ta'ala a comparé leur cœur à de la pierre. Et le terme ici choisi, al-hijara, a tout son sens. Allah n'a pas comparé leur cœur à des choses solides comme le fer ou le plomb ou autre. Pour quelle raison? Car la pierre jetée dans le feu ne pourra jamais fondre. Contrairement au fer, contrairement au plomb, contrairement à l'or, contrairement à tout autre métaux ou chose solide. La pierre a cette particularité, c'est que même jetée dans le feu, elle ne saurait fondre. Mais bien plus que cela, Allah nous montre le mérite des pierres sur leur cœur qui s'était endurci, en disant: car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, et d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Par ces 3 choses, les pierres sont préférables à ses cœurs endurcis, ou à leurs cœurs endurcis. Puis enfin, Allah tabaraka wa ta'ala va les menacer sévèrement en disant: et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Quels que soient vos actes, apparents ou cachés, graves ou mineurs, Allah Jalla Jalalu vous informera de tout cela et vous serez rétribué selon la nature de ces actes. Sixièmement, il y a là la preuve que les pierres, les arbres et autres choses, parmi ce qu'on appelle al-jamadat, peuvent avoir des sentiments et ressentir les choses. Ici, les pierres qui s'affaissent par crainte d'Allah Jalla Jalalu, des montagnes qui s'écrouleraient si le Coran leur était révélé, les étoiles et les arbres qui se prosternent, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, comme cité dans le début de Sourate Ar-Rahman, la montagne de Uhud, qui aime les musulmans, comme a dit le prophète Al-Sat-Wa-Salam, Uhudun jabalun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud est une montagne que nous aimons et qui nous aime. Le tronc du palmier sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses discours et qui fut triste après que le prophète en changea, jusqu'à ce que le prophète entendit ses lamentations. Et tout cela en fait est une réfutation pour tous les athées et tous ceux touchés par leurs ambiguïtés, qui disent que ces choses-là n'ont pas de volonté, ne ressentent pas les choses, n'ont pas d'émotion. Ceci est une réfutation claire et nette sur leurs allégations. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala yuwaffiqna jami'an lima yuhibbuhu wa yardah, wa nas'aluhu jalla wa ala al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.